Y a un truc difficile que je comprends pas. Oh, c'est quoi? Comment ça se fait que je ressorte de chez lui dans cet état? Oh bon. Pas facile, non, pas évident d'avoir les neurones qui t'arrêtent de mettre les deux pieds devant. C'est là que tu t'en rends compte, mon gars, au moment où tu ressors de chez lui. Y a comme des soucis au niveau de la base du cerveau. Le soleil qui frappe fort même quand il fait pas beau. Ouais. C'est vrai que pète sur pète à un moment évidemment. Fallait que je m'attende à ce que tout foute le temps. Mon cerveau commence à flancher. J'irai plus comme ça chez JB. C'est trop difficile, trop compliqué, trop élémentaire. Ouais, faut calculer les verres que tu bois jusqu'à ce que t'en puisses plus. Un moment tu verras plus rien du tout d'ailleurs, puisque tes yeux se fermeront de même. C'est délicat ce moment-là, ce moment extrême. C'est qu'à sortir un peu de rhum, un petit peu de whisky. Faire la fête, un jeu de société, ben oui. J'irai plus chez JP, j'en sors tout le temps cramé. Le cerveau est enterré à des milliers sous le cortex. C'est complexe, comment je vais faire pour m'en sortir? Putain, j'oublie ma veste ou mon panier, faut pas le nier. C'est comme ça que ça se passe. À un moment, j'ai cru que je pourrais être plus efficace, mais c'est faux, faut le dire. Je crois que j'ai bu trop ou pire. J'ai fumé quelque chose qui m'a rendu assez euphorique. Et c'était assez joli, il paraît que ça vient d'Afrique. Des petites peaux comme ça, j'en mangerai bien tous les jours. Pour l'occasion ou non, d'un de tout le pas, je dois. Mais faut bien avouer, quand tu ressors chez JB, t'as le cerveau qui a du mal à fonctionner. C'est délicat, c'est difficile, et c'est extra. Un petit vent de folie qui forcément passe par la fécave. Comme même à part, trop picolé. Ça va être difficile, mais va falloir rentrer. Un petit pas sur le côté, un petit pas, un petit écart. Mais j'y vais quand même avant d'y aller. Vas-y, chope-toi ton Ricard. Oh, mon cœur.